إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. C'est un plaisir pour moi et un honneur de pouvoir participer au premier séminaire de l'imam Malik au Cameroun. Et je tiens d'abord à souhaiter la bienvenue aux frères des différents quartiers de la ville de Douala, tels que Bonapriso, Bonanja, Nioubel, et d'autres qui ont fait le déplacement dans la mosquée Sunna de Ndokpassi 2 pour écouter cette conférence. Tout comme je souhaite la bienvenue aux auditeurs qui nous écoutent à travers la radio. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala le Très-Haut de vous faciliter et de vous récompenser de la meilleure des manières. Ceci dit, comme cela a été annoncé, le titre de la conférence d'aujourd'hui est la position des gens de la Sunna concernant les gens de l'innovation. Ce sujet, ikhwani fillah, est très important car nous vivons dans une époque où les sectes sont nombreuses. Et c'est ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, notamment dans le hadith de Abdullah ibn Omar radiallahu an, qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les juifs se sont divisés en 71 groupes et les chrétiens se sont divisés en 72 groupes, et cette communauté se divisera en 73 groupes, tous en enfer sauf un. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dirent: quel est-il? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit: ceux qui sont sur ce quoi je suis, moi et mes compagnons. Plus le temps passe et plus les innovations et leurs adeptes augmentent. Il incombe donc aux musulmans de connaître la position des gens de la Sunna concernant les gens de l'innovation pour pouvoir l'adopter et être préservés de leur mal. La première des choses qu'il faut savoir sur ce sujet est que les gens de la Sunna mettent en garde contre les gens de l'innovation. Et leur modèle dans cela, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il a mis en garde contre la secte des Khawarij, comme cela est venu dans certains hadiths, tels que celui de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: surgiront à la fin des temps des gens d'un jeune âge et faible d'esprit qui professeront l'une des meilleures paroles de la création et réciteront le Coran sans qu'il ne dépasse leur gorge. Ils sortiront de la religion comme la flèche traverse la cible. Et dans certains hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a même appelés Kilab al-Nar, les chiens de l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge de cette communauté, car elle ordonne le bien et interdit le blâmable. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les hommes. Vous commandez le bien, interdisez le mal et croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Ordonnez le bien et interdire le blâmable est une obligation, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith d'Abu Saïd al-Khudri, qui est rapporté par l'imam Muslim: quiconque parmi vous voit une chose blâmable alors qu'il la change par sa main, s'il ne peut pas, alors par sa langue, et s'il ne peut pas, alors par son cœur. Et ceci est le niveau le plus faible de la foi. Et parmi les choses les plus blâmables, il y a les innovations. Et les gens de l'innovation détournent les gens du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que la voie des pieux prédécesseurs est de mettre en garde contre eux. L'imam al-Lalaka'i rapporte dans son livre intitulé Sharh Usul i'tiqad Ahl Sunnati wal Jama'a, l'explication des fondements de la croyance des gens de la Sunna. Il rapporte que le Fudayl ibn Iyad disait: j'ai connu les meilleurs des personnes, ils étaient tous des adeptes de la Sunna et ils mettaient en garde contre les gens de l'innovation. Fin de citation. Et lorsque les gens de la Sunna mettent en garde contre quelqu'un, c'est par miséricorde pour ce dernier. Et la preuve de cela réside dans le affar de Yusuf ibn al-Asbat, radiallahu an, Abu Salih al-Farra, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: j'ai raconté à Yusuf ibn al-Asbat, d'après Waqir, une chose liée au trouble. Il dit alors: celui-ci ressemble à son professeur, c'est-à-dire Al-Hassan ibn Hayy. Je dis alors à Yusuf: n'as-tu pas peur que ce soit de la médisance? Yusuf dit alors: pourquoi, ô idiot? Je suis meilleur pour eux que leur propre mère et père. J'interdis aux gens de pratiquer ce qu'ils ont instauré, ce qui aurait pour conséquence que leur fardeau les suive. Et celui qui leur prodigue des éloges est plus nuisible pour eux. Et ce affar est rapporté par Ja'far al-Uqayli dans Ad-Du'afa, avec une bonne chaîne de transmission. Et donc dans ce affar, Yusuf ibn al-Asbat, rahimahullah, nous enseigne la voie des gens de la Sunna et pourquoi il met en garde contre le contradicteur. C'est tout simplement par miséricorde pour celui-ci. Et aussi ce Afa nous montre que les mises en garde ne rentrent pas dans la médisance, comme le prétend certains fauteurs de troubles parmi les faibles d'esprit. L'imam Ibn Abi Zamanin dit dans son livre intitulé « Usul al-Sunnah » les fondements de la Sunna, il dit, je cite, « Et les gens de la Sunna ne cessent de blâmer les gens de l'innovation et d'interdire de s'asseoir avec eux, et ils ont peur de leurs troubles et informent de leur rétribution, et ils ne considèrent pas cela comme de la médisance, ni comme un dénigrement envers eux. » Fin de citation. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs n'hésitaient pas à mentionner les noms de ceux contre qui ils mettaient en garde. Abdullah ibn Shaqiq, radiallahu anhu, qui faisait partie des tabi'in, disait « J'ai entendu Abdullah ibn al-Mubarak dire « Délaissez les hadiths de Amr ibn Thabit car il insultait les pieux prédécesseurs. » Subhanallah. Méditez, ikhwani fillah, la parole de cet imam. Il met en garde contre cette personne et il n'hésite pas à citer son nom. Tandis qu'aujourd'hui, certains vont te dire « Non, akhi, ne mentionne aucun nom lorsque tu mets en garde. » Mais plutôt, il te suffit de clarifier l'erreur de la personne sans la citer. Et ceci n'est malheureusement pas la voie des pieux prédécesseurs. Parmi les choses qu'il faut savoir et que les gens de la Sunna interdisent le fait de s'asseoir avec les gens de l'innovation et de les prendre comme compagnons. Et ils se basent pour cela sur le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 118 de sourate Ali Imran: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. Ô vous qui croyez, ne prenez pas de gens de confiance en dehors des vôtres. Ils ne cherchent qu'à vous troubler et se réjouissent de vous voir en difficulté. La haine se manifeste dans leur bouche, mais ce que cache leur poitrine est pire encore. L'imam al-Qurtubi dit dans le tafsir de ce verset, je cite, « Dans ce verset, il y a six sujets, et dans le deuxième sujet, il nous dit, « Dans ce verset, Allah a interdit aux croyants de prendre les mécréants, les juifs et les gens de l'innovation comme compagnie et comme alliés, de discuter avec eux dans les opinions et de leur confier leurs affaires. » Fin de citation. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 68 de sourate Al-An'am: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Lorsque tu vois ceux qui raillent nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils parlent d'autre chose. Et si le shaitan te fait oublier, sitôt que tu te rappelles, ne reste pas avec les transgresseurs. Et certains pieux prédécesseurs tels que Ibn Sirin radiallahu anhu et d'autres, voyez que ce verset fut révélé pour les gens de l'innovation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré l'importance d'avoir une bonne compagnie. Comme dans le hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'homme est sur la religion de son ami, que chacun d'entre vous regarde, qui il prend comme ami. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs ne s'asseyaient pas avec les innovateurs et mettaient en garde contre cela. Le fils de l'imam Ahmed ibn Hanbal radiallahu anhu rapporte dans son livre intitulé « As-Sunnah wa al-Raddu ala al-Jahmiyya » la Sunnah et la réfutation à la secte d'al-Jahmiyya. Il rapporte d'après Marhoum ibn Abdelaziz qui a dit: j'ai entendu mon père et mon oncle dire: nous avons entendu Al-Hassan al-Basri interdire de s'asseoir avec Ma'bad al-Juhani. Il disait: ne vous asseyez pas avec lui, car c'est un égaré égareur. Ceci, ikhwani fillah, car Ma'bad al-Juhani faisait partie de la secte d'Al-Qadariyya. Et en plus de ne pas s'asseoir avec les gens de l'innovation, les pieux prédécesseurs recommandaient de ne pas se mélanger à eux. Ibn Battah rapporte dans son livre Al-Ibana, d'après Uthman ibn Zaïda, qui a dit: Soufiane al-Thawri m'a donné une recommandation et m'a dit: ne te mélange pas avec quelqu'un de l'innovation. Et certains salafs allaient jusqu'à fuir les gens de l'innovation. L'imam al-Lalaka y rapporte dans son livre l'explication des fondements de la croyance des gens de la Sunna, d'après Hamzala ibn Abi Sufyan, qui disait: je voyais Taous, donc qui était l'un des tabi'in, fuir Qatada lorsqu'il venait le voir. Et Qatada était du même avis que la secte d'Al-Qadariyya. Subhanallah. Regardez, ikhwani fillah, cette position salafi qu'ont pris nos pieux prédécesseurs vis-à-vis des gens de l'innovation. Que dirait-il s'il verrait à notre époque où certains s'affiliant à leur voix s'assoient avec les innovateurs sans pression et étudient même dans leurs instituts sans problème? Nas'alullah al-afiyata wa salama. Parmi les positions que les gens de la Sunna ont pris vis-à-vis des gens de l'innovation, le fait qu'ils ne leur prêtaient pas l'oreille. Ceci est la voix des pieux prédécesseurs, car les salafs donnaient une grande importance à préserver leur cœur des troubles et des ambiguïtés. C'est pour cela qu'ils ne voulaient rien entendre des innovateurs, pas même le Coran. L'imam Al-Ajurri rapporte dans son livre intitulé Al-Sharia, ainsi qu'Ibn Battah dans l'Ibana, d'après Asma ibn Ubaid al-Daba'i, qui a dit: deux personnes parmi les gens de l'innovation sont venues voir Ibn Sirin. Puis ils lui ont dit: ô Abu Bakr, peut-on te mentionner un hadith? Ibn Sirin répondit non. Les deux hommes dirent par la suite: alors, nous te récitons un verset du Coran. Il répondit non. Puis il dit: soit vous partez d'ici, ou soit je m'en vais. Et les deux hommes sortirent. Et certains salafs allaient même jusqu'à boucher leurs oreilles pour ne pas écouter les paroles des gens de l'innovation. Ibn Battah rapporte, d'après Ma'mar, qui disait: j'étais chez le fils de Taous, et il y avait avec lui l'un de ses fils. C'est alors que vint un homme du nom de Salih, qui parlait sur le Qada. Il parla un peu. C'est alors que le fils de Taous se boucha les oreilles. Il dit à son fils: bouche-toi les oreilles fermement et n'écoute rien de cela, car certes le cœur est faible. Et ceci nous montre, ikhwani fillah, que les salafs ne prêtaient pas l'oreille à n'importe qui. Au contraire de ce qu'on peut voir à notre époque, certains écoutent n'importe qui, sous prétexte que l'intervenant est éloquent ou que le titre du rappel est intéressant et ses agissements sont contraires à la voie des pieux prédécesseurs. Également, parmi les positions des gens de la Sunna vis-à-vis des gens de l'innovation, le fait qu'ils ne débattaient pas avec eux, ils ne débattaient pas avec les gens de l'innovation. L'imam al-Ajurri rapporte dans son livre Shari'a, d'après Ma'an ibn Isa, qu'un homme a voulu débattre avec l'imam Malik, rahimahullah. Et l'imam Malik lui dit, « Et si tu prends le dessus sur moi ?» L'homme répondit, « Si je prends le dessus, tu me suis. » L'imam Malik lui dit, « Alors, et si un autre homme vient nous parler et qu'il prend le dessus sur nous ?» L'homme répondit, « Nous le suivrons. » Et l'imam Malik lui dit, « Ya Abdallah, ô serviteur d'Allah, Allah a envoyé Muhammad avec une seule religion. » Et je te vois te déplacer de religion en religion. Certaines personnes, ikhwani fillah, qui avaient pour habitude de débattre avec les innovateurs se sont égarées, alors qu'ils étaient auparavant sur la sunna. Certains de nos mashayikh au Yémen donnaient souvent l'exemple de celui qu'on appelle Abul Hassan al-Ma'ribi. C'était l'un des élèves les plus connus de Cheikh Mourbil. Rahimahullah, il était connu pour sa science et Cheikh Mourbil l'aimait beaucoup. Sauf qu'Abul Hassan aimait débattre avec les gens de l'innovation et Cheikh Mourbil le conseilla à plusieurs reprises de délaisser cela. Mais Abul Hassan n'a pas écouté les conseils de ce savant éducateur. Quelque temps plus tard, il délaissa les gens de la Sunna est parti avec les gens de l'innovation jusqu'à devenir l'un de leurs leaders. Et tellement cet homme a été la cause de troubles et de dissensions dans les rangs des salafis, certains savants l'ont nommé Abul Fitan. Nas'alullah al-afiyata wa salam. Aussi les gens de la Sunna se désavouent des innovateurs. Car ce sont des gens qui sèment la corruption sur terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas la corruption. Il fait donc partie de la voie des gens de la Sunna, le fait de se désavouer des innovateurs. L'imam Muslim rapporte, d'après Yahya ibn Ya'mar, qui a dit, le premier à contester le destin dans le Basra fut Ma'bad al-Juhani, wa Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari. Nous partîmes accomplir le pèlerinage ou la Umrah. Nous nous dîmes, si nous rencontrons l'un des compagnons du messager d'Allah, nous pourrons le questionner au sujet des propos de cela sur le destin. Nous eûmes alors l'occasion de rencontrer Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab alors qu'il entrait dans la mosquée. Mes compagnons et moi-même l'encadrâmes, l'un se tenant à sa droite et l'autre à sa gauche. Pensant que mon compagnon me laisserait la parole, je dis, « Ô Abu Abdurrahman, des gens sont apparus chez nous qui récitent le Coran et recherchent la science. Ils prétendent qu'il n'y a pas de destin et qu'Allah n'a connaissance des choses qu'après leur arrivée. » Ibn Omar radiallahu anhu répondit, « Quand tu rencontreras ces personnes, informe-les que je me désavoue d'eux et qu'ils se désavouent de moi. » Ibn Omar radiallahu anhu n'a pas hésité à se désavouer d'eux. Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. Aussi les gens de la Sunna, en plus de ne pas rester avec les gens de l'innovation, ils blâment ceux qui côtoient les innovateurs. Même s'ils ne s'affilient pas à eux et à leurs innovations, les salafs blâmaient sévèrement ceux qui restent avec les gens de l'innovation. Et cela pouvait même aller jusqu'à ce qu'ils délaissent le lavage mortuaire de cette personne. Ibn Battah rapporte dans son livre intitulé Al-Ibana qu'Ayoub Sirtiani fut invité à laver un défunt. Il est donc sorti avec les gens, et lorsqu'il vit le visage du défunt, il le reconnut et dit « Approchez-vous de votre compagnon, je ne le laverai pas, je l'ai vu côtoyer un innovateur. » Allahu Akbar. Méditons encore une fois, Ikhwani fillah, sur ce mawqif salafi. Ayoub Sirtiani rahimahullah, ce grand imam a délaissé le lavage mortuaire de cet individu car il côtoyait un innovateur. Malgré qu'il y a une grande récompense à laver un musulman, il a préféré délaisser cela pour éduquer sa communauté et pour montrer aux gens la dangerosité de côtoyer l'innovateur. Aujourd'hui, malheureusement, lorsque tu vas blâmer quelqu'un qui côtoie un innovateur, on va dire que tu as de l'exagération, alors que cela est la voie des salafs. Par Allah, ces imams n'avaient pas d'exagération. C'est plutôt les gens à notre époque, à part ceux à qui Allah a fait miséricorde, qui sont laxistes. Aujourd'hui, les gens font tout pour préserver leur argent. Mais par contre, quand il s'agit de préserver sa religion, on fait souvent preuve de laisser aller. Un de nos pieux prédécesseurs, du nom de Abdullah ibn Ra'il, disait « Vois-tu si l'un d'entre vous s'assoit près d'un voleur et dans sa manche, il y a de la marchandise. Ne va-t-il pas s'écarter de lui de peur qu'il la vole ?» Il finit en disant « Votre religion est plus en droit d'être préservée. » Parmi les positions des gens de la sunna concernant les gens de l'innovation, le fait qu'ils n'honoraient pas les gens de l'innovation, car les pieux prédécesseurs considéraient cela comme une chose de grave. Ibrahim ibn al-Maysara disait « Celui qui honore un innovateur aura certes aidé à la destruction de l'islam. » Certains d'entre eux préféraient manger en compagnie d'un mécréant que de manger en compagnie d'un innovateur. L'imam al-Barbahari mentionne dans son livre « L'explication de la sunna » que Al-Fudayl ibn Iyad disait « Je mange avec un juif et un chrétien et je ne mange pas avec l'innovateur. » Tout ceci nous montre, Ikhwani fillah, que les salafs n'honoraient pas les gens de l'innovation. Et les gens de la sunna boycottent les gens des passions. Et ceci est l'un de leurs fondements. L'imam al-Khattabi a dit « Certes, le boycott des gens de l'innovation est pour toujours, tant qu'ils ne font pas apparaître leur repentir et le retour à la vérité. » Et concernant le hadith d'Abu Ayyub al-Ansari, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'est pas permis aux musulmans de boycotter son frère au-delà de 3 nuits. Ceci concerne les sujets mondains, car les savants de la sunna mentionnent que le boycott est de 2 catégories. La première catégorie, le boycott pour quelque chose de la religion, et la deuxième catégorie, le boycott pour quelque chose mondain. Concernant la première catégorie, il est autorisé de boycotter un musulman plus de 3 jours si c'est pour quelque chose de la religion, et la durée de ce boycott dépend de la situation, tandis que la deuxième catégorie de boycott, celle pour un but mondain, la durée ne doit pas dépasser 3 jours. Et le hadith mentionné précédemment est une preuve dans cela. Les gens de la sunna détestent avoir des gens de l'innovation comme voisins, car ceci contient de nombreux méfaits. C'est pour cela que certains salafs préfèrent habiter à côté de certains animaux que d'habiter à côté d'un innovateur. Abu al-Jawza disait que des singes et des porcs habitent à côté de ma maison est préférable à ce que ce soit un homme parmi les gens de l'innovation. Et les salafs n'aimaient pas avoir une proximité avec les innovateurs. Ibrahim al-Nakhai a dit un jour à Mohammed ibn Sa'ib, « Ne nous approche pas tant que tu es sur cette opinion. » Et Mohammed ibn Sa'ib faisait partie de la secte d'Al-Murji'ah. Également, les gens de la Sunna mettent en garde contre les livres des gens de l'innovation et ils interdisent leur lecture. Et ceci est la voie des pieux prédécesseurs. L'imam Ahmed a mentionné qu'il est interdit de regarder dans les livres des gens de l'innovation, comme l'a mentionné Ibn Muflih dans son livre intitulé « Al-Adab al-Shar'iyya ». Donc voici, ikhwani fillah, un résumé de la position des gens de la Sunna concernant les gens de l'innovation. Et en vérité, ce sujet demande plusieurs cours et plus de détails. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite d'autres assises dans lesquelles on pourra détailler un peu plus, incha'Allah. Et j'aimerais terminer cette allocution par un conseil envers les frères du Cameroun. Tout d'abord, j'enjoins ma propre personne, ainsi que mes frères, je les enjoins à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je les enjoins aussi à se cramponner au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme je les enjoins de faire beaucoup d'efforts dans l'étude de la religion, notamment dans le domaine de la croyance. Car celui qui a étudié la croyance est dans un grand bien. Cheikh Mourbil disait à ce sujet, celui qui a appris la croyance, tu peux le jeter n'importe où. Ceci, car où qu'il soit, il saura distinguer les gens du faux et les gens de la vérité. Et malheureusement, nous avons de grandes lacunes dans ce sujet au Cameroun. Certains ont la conviction que celui qui réfute les chiites et les soufis est salafi. Et ceci est une erreur manifeste. Le salafi est celui qui suit le Coran et la Sunna. C'est celui qui appelle au tawhid et celui qui fréquente les gens de la Sunna et qui s'écarte des gens de l'innovation. Ne prenez pas la religion de n'importe qui. Cette science est une religion. Regardez de qui vous la prenez. Comme le disait Ibn Sirin, rahimahullah, soyez soudés et unis sur le Coran et la Sunna. Ne vous divisez pas et ne laissez personne vous diviser. Et si des troubles quelconques apparaissent, alors revenez aux grands savants de cette communauté, tels que l'imam, le porteur de l'étendard, de la critique et de l'éloge, l'éminent savant et Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Matrali hafidhahullah, les savants tels que Cheikh Ubayd al-Jabiri, tels que Cheikh Salih al-Fawzan et les autres grands savants de la Sunna, car le fait de revenir à eux, surtout en période de trouble, est un bien immense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas, Al-barakatu ma'a kabirikum, la bénédiction est avec vous grands. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à tous dans ce qu'il aime et agrée.